السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، نواصل قراءتنا في شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى لكتاب الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث السادس عشر فيما أعتقد، هكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. للوانج سنت الله. Nous lui demandons de couvrir des loges et de saluer son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Cela dit, on va continuer, si Allah le veut, notre lecture du commentaire du Cheikh Salih Al-Fawzan du livre intitulé « Les 40 hadiths d'un Nawawi ». Et nous étions arrivés au hadith numéro 16. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: accorde-moi une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: ne te mets pas en colère. L'homme a répété à plusieurs reprises sa requête, et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: ne te mets pas en colère. Et ce hadith a été recueilli par Al-Bukhari. Et on va avoir l'occasion, à travers le commentaire du Cheikh Saleh, hafizahullah, de comprendre ce qui est visé par cette parole prophétique lorsqu'il a dit à cet homme: ne te mets pas en colère. قال الشارح حفظه الله: الغضب والرضا خصلتان وسجيتان طبع عليهما الإنسان لفائدة ومصلحة، فالذي لا يغضب يكون ناقصا، لكن لا بد أن يستعمل الغضب في محله، فإن تجاوز محله ضر، فالغضب نقيض الرضا، وهو سجية وخصلة مطبوع عليها الإنسان ينتج عنها في الإنسان غليان الدم في القلب وانتفاخ الأوداج، مما يؤدي بصاحبه إلى إرادة الانتقام ممن غضب عليه. وما منا أحد لا يغضب، لكن العاقل والمؤمن يتصرف في غضبه ولا ينفذه. وأما الأحمق والجاهل فقد يحمله الغضب على أشياء مذمومة كالقتل والجرح أو الكلام السيء أو قطيعة الرحم، فالغضب يحمل الإنسان على مهالك إلا إذا استعمله استعمالا حسنا في محله، فإنه يسلم من شره. La colère, de même que l'agrément, sont deux caractéristiques et deux caractères qui sont innés dans l'être humain. Et ce, pour une raison et un intérêt bien particulier. Quant à celui qui ne se met pas en colère, c'est quelqu'un qui est déficient. Cependant, il est impératif que la colère soit utilisée dans son moment opportun. Par contre, si elle dépasse la limite qui lui est impartie, alors à ce moment-là, elle va devenir nuisible. Il faut savoir que la colère, c'est l'inverse de l'agrément. Et c'est une caractéristique et un caractère qui est inné dans l'être humain, comme nous l'avons vu. De laquelle va résulter chez l'être humain le, entre guillemets, le bouillonnement du sang dans le cœur et le fait que on va voir donc les veines qui vont grossir. Ce qui va mener celui qui se met en colère à souhaiter se venger de celui contre qui il se met en colère. C'est cela qui est visé par la colère concernant l'être humain, comme l'a spécifié ici le commentateur, qu'Allah le préserve. Puis il continua en disant qu'il n'y en a pas un parmi nous qui ne se met pas en colère. Cependant, l'être raisonnable, le croyant, il va agir durant son état de colère d'une manière adéquate et il ne va pas laisser libre cours à sa colère. Quant à l'imbécile et l'ignorant, il est possible que la colère le pousse à perpétrer des choses blâmables, telles que le meurtre, ou le fait de blesser quelqu'un, ou le fait de mal lui parler, ou le fait de rompre les liens de parenté. Il faut donc savoir que la colère, elle peut mener l'être humain vers la perdition, sauf s'il l'utilise de bonne manière, dans un contexte adéquat, et c'est à ce moment-là qu'il pourra être épargné du mal qui découle de la colère. ثم قال الشارح حفظه الله وهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية تنفعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب كأن الرجل استقل هذه الوصية لذلك كرر على النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مرة يقول له لا تغضب ولم يزد على ذلك فما الحكمة فما الحكمة؟ قال بعض أهل العلم لعل هذا الرجل كان معروفا بالغضب والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل إنسان بحسب حاجته فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم وخصه بهذه الوصية لعلمه بحاله وهي وصية له ولغيره فكل إنسان مطلوب منه أن لا يغضب لما يترتب على الغضب من الأضرار وما منا أحد لا يجد في نفسه شيئا من الغضب ولكن الإنسان المؤمن العاقل يأخذ بالحلم لأن الله جل وعلا يقول في صفات المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يغفرون الله أكبر نعم لم يقل لا يغضبون بل قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون فيغفر الإنسان ويحلم هذا هو المطلوب. Le cheikh, le commentateur, de continuer en disant quant à cet homme, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé une recommandation qui pourrait lui être utile et profitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Ne te mets pas en colère. » Et c'est comme si cet homme avait minimisé de l'importance de cette recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donnée. Et c'est pour cela qu'il a répété à plusieurs reprises cette requête qu'il adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait « Ne te mets pas en colère. » Sans rien ajouter à cela. Quelle est donc la sagesse qui réside dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois a répondu en donnant la même réponse? Certains hommes de science ont dit il est envisageable que cet homme-là était connu pour se mettre en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de répondre à chaque individu selon le besoin de ce dernier. Et c'est ainsi que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé cela et a spécifié dans sa recommandation le fait de ne pas se mettre en colère, étant donné qu'il était au courant de l'état du questionneur et de ce caractère qu'il avait. Et c'est en vérité une recommandation qu'il lui adressa et qui est valable pour lui et pour autre que lui. Et il est demandé à tout individu de ne pas se mettre en colère du fait de ce qui va découler de cette colère-là. Sachant qu'il n'y en a pas un parmi nous qui ne trouve pas en lui ce sentiment de colère. Cependant, l'individu croyant, doué de raison, il va faire preuve d'indulgence. Étant donné qu'Allah, Jalla wa Ala, a dit, en décrivant les croyants, et lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent. Et il n'a pas dit, ils ne se mettent pas en colère. Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset, il n'a pas blâmé le fait ou nié le fait qu'il se mette en colère. Et ce n'est pas cela qu'il interdit. Par contre, il a décrit les croyants comme étant de ceux qui, lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent et ils font preuve d'indulgence. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et lorsqu'ils se mettent en colère, il pardonne. Et c'est ainsi que l'individu se doit de pardonner et de faire preuve d'indulgence, et c'est ce qui lui est demandé. Il y a la possibilité, je sais pas, il y a un petit souci apparemment. Ça résonne. Naam. ثم قال الشارح حفظه الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة يعني القوي الذي يسرع الناس هذا ليس شديدا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لكنه لا ينفذ إلا إذا كان الغضب لله عز وجل فكان صلى الله عليه وسلم حليما لا ينتقم لنفسه أبدا رغم ما لاق من الأذى من الناس أما إذا انتهكت محارم الله جل وعلا فإنه يغضب لله لا لنفسه وهكذا المؤمن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه بل يحلم ويغفر ويحسن إلى من أغضبه لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله فهذا هو علاج الغضب أولا مهما أمكن أنك لا تغضب ثانيا إذا غضبت فلا تنفذ بل عليك بالصبر والتحمل والحلم. C'est pour cela, c'est-à-dire du ce qui a précédé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que l'homme fort, ce n'est pas celui qui prend le dessus sur les autres par la force. Et il a plutôt dit, l'homme fort, c'est celui qui contient son âme lorsqu'il se met en colère. Le cheikh Saleh de dire en commentaire ici, et c'est celui-là qui est réellement fort, celui qui retient et qui contient son âme lorsqu'il se met en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait de se mettre en colère. Par contre, il ne laissait pas libre cours à sa colère, sauf si cette colère était pour la cause d'Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un d'indulgent, qui ne s'est jamais vengé pour sa propre personne, malgré malgré ce qu'il a pu rencontrer comme préjudice, et ce à quoi il a été confronté comme préjudice de la part des gens. Par contre, lorsque les limites instaurées par Allah tabaraka wa ta'ala étaient outrepassées, lorsque les interdits édictés par Allah tabaraka wa ta'ala étaient violés, alors à ce moment-là, il se mettait en colère pour la cause d'Allah et non pas pour sa propre personne. Et c'est ainsi que doit être le croyant. Il doit prendre exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam et ne pas se mettre en colère pour sa propre personne. Il doit plutôt faire preuve d'indulgence, pardonner et être bienfaisant vis-à-vis de ceux qui sont amenés à le mettre en colère. Conformément à cet enseignement coranique contenu dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a dit « فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ » Quiconque pardonne et réforme, alors sa récompense incombe à Allah. Et c'est donc ici la manière de traiter la colère. Premièrement, autant que tu peux, ne te mets pas en colère. Deuxièmement, lorsque tu te mets en colère, ne laisse pas libre cours à ta colère. Et il t'incombe plutôt à ce moment-là de faire preuve d'endurance, de supporter le préjudice et d'être indulgent. Et c'est ici donc, de manière approximative, la traduction des propos du Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah, qu'Allah le préserve et qu'il le récompense pour ce commentaire à la fois bref et très instructif. Jazahullahu khayra concernant ce hadith très important qui compte parmi les hadiths sélectionnés par l'auteur An-Nawawi rahimahullah et qui est un hadith d'une importance capitale concernant ce sujet très important, d'autant plus que comme l'a expliqué le Cheikh Salih, il n'y en a pas un parmi nous qui n'est pas amené à un moment ou à un autre à se mettre en colère. Et donc il nous incombe de savoir comment se comporter à ce moment-là et de faire suivre ce savoir par une mise en pratique. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide et nous assiste dans la concrétisation et la mise en pratique de ce hadith. ثم قال الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح هنا الذبح ولعل المحفوظ عندكم الذبحة أليس كذلك؟ الذين يحفظون الأربعين ماذا حفظوا؟ الذبحة صحيح؟ ولكن عندنا الذبح وكذلك في الشرح يقول فأحسنوا الذبح على كل حال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. On en arrive donc au hadith numéro 17 d'après Abu Ya'la Shaddad ibn Aws qu'Allah l'agrée, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a prescrit l'excellence ou la bienfaisance. » Al-Ihsan, ça peut être traduit de ces deux manières. L'excellence ou la bienfaisance. Dans certains contextes, ça va viser l'excellence et dans d'autres, ça va viser la bienfaisance. Donc, Allah a prescrit l'excellence et la bienfaisance dans toutes choses. Lorsque vous mettez à mort, faites-le de bonne manière. Et lorsque vous égorgez, faites-le de bonne manière. Et que celui d'entre vous qui le fait aiguise bien sa lame et ménage la bête. Et ce hadith a été recueilli par l'imam Muslim, rahimahullah. قال الشيخ صالح حفظه الله وشفاه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان كتب يعني أوجب والله تعالى أوجب الإحسان على كل شيء ومنه هذه المسائل فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح والإحسان يكون بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الناس وبين العبد وبين البهائم أما الإحسان بين العبد وبين ربه فهو أعلى مراتب الدين وذلك بأن يعبد ربه كأنه يشاهده ولا يشرك به شيئا ويخافه ويرجوه وقد سبق في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا إحسان بين العبد وبين ربه ومعناه إتقان العبادة يقال أحسن الشيء إذا أتقنه أحسن الصنعة إذا أتقنها فأنت تتقن العبادة فيما بينك وبين الله عز وجل بالإخلاص لله سبحانه والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Le cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve et le guérisse, a dit en commentaire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a prescrit l'excellence ou la bienfaisance. Il a dit, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait utilisé le terme, le verbe prescrire, signifie rendu obligatoire. Allah l'exalté a donc rendu obligatoire l'excellence ou la bienfaisance vis-à-vis de toutes choses. Parmi ces choses-là, celles qui ont été mentionnées dans ce hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous mettez à mort, faites-le de bonne manière. Et lorsque vous égorgez, faites-le de bonne manière. Il faut savoir que al-ihsan, l'excellence ou la bienfaisance, elle vise la relation qu'a le serviteur avec son Seigneur, de même que la relation qu'a le serviteur avec les autres gens, ou la relation qu'il peut avoir avec les bêtes. Quant à l'excellence, ou à la bienfaisance, qui réside dans la relation entre le serviteur et son Seigneur, il faut savoir que ça représente là le plus haut des degrés de la religion. Et cela consiste en ce que le serviteur adore son Seigneur comme s'il le contemplait. Ce qui va le mener à ne rien lui associer et à avoir peur de lui et à espérer en lui, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons eu l'occasion précédemment d'aborder cela à travers la lecture du hadith de Jibril, lorsque ce dernier, alayhi salam, a questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à propos de l'ihsan, l'excellence, la bienfaisance. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, l'ihsan, l'excellence ou la bienfaisance, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et c'est donc là l'excellence, la bienfaisance qui réside dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. Ce qui est synonyme de maîtrise de l'adoration. L'excellence qui est visée ici, la bienfaisance qui est visée ici, elle signifie le fait de maîtriser l'adoration vouée à Allah, tabaraka wa ta'ala. En effet, on dit, il a bien accompli cette chose-là, ahsana shay, il a été bienfaisant dans cette chose-là, donc en arabe on dit ahsana shay, il a été bienfaisant dans cela lorsqu'il l'a maîtrisé. Donc ici, on se rend compte que ce principe d'ihsan que l'on traduit par excellence ou par bienfaisance, c'est synonyme de maîtrise. Et tu diras également qu'il a bien agi dans la confection de telle ou telle chose lorsqu'il l'a maîtrisée. C'est ainsi qu'il t'incombe de maîtriser en quelque sorte l'adoration que tu voues à Allah Azza wa Jal. Et cela signifie que tu dois être sincère vis-à-vis de lui, subhanah, et que tu dois être en conformité avec le modèle du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il est peut-être opportun ici d'ouvrir une brève parenthèse concernant ce dernier point abordé par le cheikh lorsqu'il a parlé de la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu et de la conformité à la voix de son messager sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité vis-à-vis d'Allah, c'est que tu recherches par ton acte son agrément et sa récompense dans l'au-delà. Son agrément, subhanahu wa ta'ala, et sa récompense dans l'au-delà. Et ne sois pas de ceux, barakallahu fiik, qui adhèrent à la religion et qui la mettent en application, mais qui recherchent par cela un intérêt à assouvir, un intérêt de ce bas monde. Je ne vise pas forcément par là le fait que certaines personnes accomplissent des œuvres de bien afin d'obtenir des biens matériels ou une certaine réputation. Car c'est là quelque chose qui est de manière apparente blâmé par la religion. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres aspects de cette chose qui est blâmée par la religion qui peuvent être plus vicieux. Notamment le fait que certains recherchent par leur mise en pratique de la religion le fait de mener une vie paisible dans ce bas monde et une vie sereine sans prêter attention à l'obtention de la récompense qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préparé pour ses serviteurs pieux dans l'au-delà. Et il est indispensable de garder cela à l'esprit lorsque tu œuvres, barakallahu fik, tu œuvres pour obtenir l'agrément d'Allah, azza wa jal, d'une part, et d'autre part pour bénéficier de sa récompense dans l'au-delà. Et c'est là un point qui est très important. Barakallahu fikum. Et également, il faut se soucier de la conformité avec la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de ne pas se retrouver comme ceux qui œuvrent et fournissent des efforts dans cela, mais qui n'accordent pas d'importance à la conformité avec la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui se retrouvent ainsi à innover dans la religion, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque accomplit une œuvre qui n'est pas en conformité avec nos enseignements, la verra rejetée. » ثم قال الشارح حفظه الله تعالى أما الإحسان فيما بين العبد وبين الناس فيكون بمكافأته محسنهم وتجاوزه عن مسيئهم وتصدقه على محتاجهم فيحسن إليهم بالقول وبالفعل ويتعامل معهم التعامل الحسن ويتقن المعاملة معهم كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Quant à l'excellence et à la bienfaisance qui réside dans la relation que le serviteur a avec les gens, elle consiste à rétribuer en bien celui qui, parmi eux, est bienfaisant. Et à ne pas tenir... Cheikhana, Mashi? Ma salait al subh? Yani al-farida? Ma salait al subh. Khalik ma'ana, yani... خليك معنا إن شاء الله. ها؟ بارك الله فيك. نعم. Et le fait de ne pas tenir rigueur de ceux qui parmi eux se comportent mal. Et le fait de faire aumône à ceux qui parmi eux sont dans le besoin. En étant bienfaisant avec eux dans les paroles et dans les actes, et en se comportant avec eux d'une bonne manière, et en faisant preuve de bienfaisance et de maîtrise en termes de relationnel avec eux, conformément à ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné. وكذلك الإحسان بين الإنسان وبين البهائم بأن يطعم جائعها ويسقي العطشان منها ويخفف عنها الألم وإذا أصابها ألم يعالجها هذا بالنسبة إلى البهائم التي لا تؤذي حتى الكلاب قال صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذا رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به والبغي الزانية والزنا أعظم وأقبح الجرائم بعد الشرك وفي رواية أخرى بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإنا لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر. Également, il convient de faire preuve de bienfaisance et d'excellence avec les bêtes, en nourrissant celles d'entre elles qui sont affamées et en abreuvant celles d'entre elles qui sont assoiffées et en cherchant à apaiser leur douleur. Et c'est ainsi que, si on se rend compte qu'une douleur touche une bête, alors il faut chercher à la soigner. Et cela concerne, bien sûr, les bêtes qui ne sont pas nuisibles. Même les chiens. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté certains récits à ce sujet. Récits que le cheikh a mentionné ici, notamment le récit connu de ce chien qui était sur le point d'être tué par la soif. Et il y a une prostituée qui faisait partie des enfants d'Israël. Ça vise les juifs de l'époque, avant l'avènement du prophète, alayhi salatu wassalam. فَنَزَعَتْ مُوقَهَا. مَا هو الموق؟ يعني من يعينني على ترجمة يعني هذه الكلمة الموق. نزعت موقها. نعم؟ انقلش. Une galoche. Khalik le sabot, parce que la galoche, déjà, même avant, il faudrait que je sache ce que ça veut dire. Son sabot, barakallahu fik. Naam. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son sabot. Ou, selon Cheikh Salim, il y a sa galoche. Naam. Et peut-être qu'à Lyon, vous savez ce que c'est une galoche. Allahu alam. Al-Muhim, elle a enlevé son sabot et elle a abreuvé ce chien. Et c'est du fait de cette action qu'elle a faite que le pardon d'Allah lui a été accordé. Ici, donc, ça vise une prostituée, une fornicatrice, sachant que la fornication, c'est la plus grande et la plus laide, ou le plus grand et le plus laid des crimes, après le polythéisme, le fait d'accorder un associé à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et dans une autre version, dans un autre récit, on retrouve l'histoire de cet homme qui était en train de marcher et qui fut pris d'une grande soif. Il est donc descendu dans un puits afin de s'abreuver. Puis il en est sorti et il a vu un chien allaitant qui était en train de manger de la thara, yani de la terre, yani de ce qu'il avait donc dans la terre. À cause de la soif, il était en train de chercher de quoi se nourrir ou s'abreuver. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un constat. Et il a dit, celui-là, c'est-à-dire ce chien, il a été touché par ce qui m'a touché également, c'est-à-dire la soif. Et c'est ainsi qu'il a rempli son chausson d'eau. Donc il est redescendu dans le puits. Il a rempli son chausson d'eau. Et pour remonter, il a tenu son chausson rempli d'eau dans sa bouche. Et il est remonté donc à la surface. Et il a abreuvé ce chien. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a récompensé de ce fait et lui a pardonné. À ce moment-là, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ont dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'il y a pour nous, vis-à-vis ou concernant les bêtes, une récompense, c'est-à-dire dans le fait d'être bienfaisant vis-à-vis d'elles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il y a concernant tout être vivant une récompense. Il y a concernant tout être vivant une récompense. Ici, je voudrais soulever une question et gardez-la à l'esprit et on y revient, incha'Allah, à la fin du cours. Quelle est la cause qui a fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a pardonné à cette prostituée son crime et également a récompensé cet homme et lui a pardonné ses péchés? Je vous invite à réfléchir à la réponse et on y revient incha'Allah à la fin du cours. فالواجب أن تحسن إلى البهائم كما تحسن إلى الناس قوله إذا قتلتم بقصاص أو بحد فأحسنوا القتلة فإذا استحق أحد من الناس القتل بقصاص أو بحد فإنه يحسن إليه في قتله ولا يعذب قبل القتل ولا يقتل بآلة كالة أو آلة تعذبه بل يسرع القاتل بقتله ويجهز عليه بالقتل دون أن يشق عليه أو يعذب في القتل لأن تعذيبه ظلم لا يجوز أما قتله فهو مشروع فينفذ بأسهل ما يمكن حتى ولو كان كافرا يستحق القتل لكفره فلا يعذب عند قتله بل يجهز عليه ويقتل بسرعة فقوله صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة هذا عام للكافر وغيره. La parole, donc, ou plutôt, le shir a continué en disant, il est donc obligatoire de faire preuve de bienfaisance et d'excellence vis-à-vis des bêtes, de la même manière qu'il est obligatoire de faire preuve de bienfaisance et d'excellence dans les relations que l'on a avec les gens. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque vous mettez à mort, ça vise ici ce qui a lieu dans le cadre du talion ou dans le cadre des peines légales. Il est peut-être opportun ici d'ouvrir à nouveau une brève parenthèse. Si on parle de talion et si on parle de peine légale, c'est que ceux dont nous sommes en train de parler, c'est que ceux dont nous sommes en train de parler, ça vise ce qui va faire suite à la décision d'un dirigeant, d'un gouverneur, d'un juge habilité à cela. Et j'estime qu'il est opportun d'ouvrir à chaque fois cette parenthèse afin de fermer la porte aux agissements de certains imbéciles qui pensent mettre en application la charia et qui, de manière isolée, en viennent dans des contextes et des situations dans lesquels ils n'ont pas à le faire, à mettre en application des peines légales et des sentences, que ce soit en terre d'islam, indépendamment de la décision de dirigeants musulmans, ou que ce soit en terre impie. Donc, quand nous abordons ce genre de sujet-là, il est évident, barakallahu fikum, que cela relève de la responsabilité d'un dirigeant, d'un gouverneur ou d'un juge habilité qui a été désigné pour statuer de ce genre de choses-là. Donc le cheikh, il a dit, faites-le de bonne manière. Lorsque vous mettez à mort, faites-le de bonne manière. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit cela. Le cheikh de dire en commentaire, c'est ainsi que lorsque une personne mérite de se voir appliquer la loi du talion ou encourt une peine légale, alors il est impératif, malgré tout, de faire preuve de bienfaisance vis-à-vis de lui lors de sa mise à mort. Il ne doit pas donc être châtié en plus du fait d'être mis à mort. Il ne doit pas être mis à mort avec un instrument défectueux ou avec un instrument dont l'utilisation va constituer un châtiment. Mais il est plutôt impératif que sa mise à mort soit rapide et de ne pas provoquer un préjudice qui irait au-delà de la peine qu'il encourt. Il ne doit donc pas être châtié, car le fait de le châtier à ce moment-là constituera une forme d'injustice qui est donc interdite. Quant au fait de le mettre à mort, c'est quelque chose qui, dans cette situation bien précise, sera légiféré. Et ce doit donc être accompli de la manière la plus aisée. Même si celui qui est visé est un mécréant qui mérite d'être mis à mort du fait de sa mécréance, il ne doit pas être châtié. Mais cela doit plutôt être accompli de manière aisée et de manière rapide. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et lorsque vous mettez à mort, alors faites-le de bonne manière, cela est général. Et ça vise aussi bien celui qui est mécréant que celui qui ne l'est pas. Et barakallahu fikum, j'insiste bien sur la parenthèse que je me suis permis d'ouvrir précédemment pour dire que cela relève uniquement de la décision d'un dirigeant ou d'un juge habilité désigné par un gouverneur. ثم قال الشارح قال صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم الحيوانات التي يشرع ذبحها أو يباح ذبحها إذا ذبحتموها للعبادة أو للأكل أو ذبحتموها لدفع أذاها كالسباع والكلب العقور فأحسنوا الذبح فلا تعذب المذبوح بأن تجره إلى القتل جرا أو تجر الذبيحة من آذانها أو تذبحها بآلة كالة أو تطرحها على الأرض ثم تؤخر ذبحها وتتشاغل عنها وأنت ممسكها فهذا لا يجوز لأنه تعذيب لها والواجب أن تذبحها بأسهل ما يكون وإذا ذبحتها لا تسرع بتقطيعها قبل أن تموت اصبر إلى أن تموت وتبرد فما دام فيها حركة وفيها روح لا تجمع عليها العذاب عذاب الموت وعذاب التقطيع بل تتركها إلى أن تموت وكذلك من إحسان الذبح أن تكون عارفا بكيفية الذبح فلا يأتي جاهل يريد أن يتعلم بالحيوان ويعذبه فلا يذبح إلا من يتقن الذبح ويعرف كيفيته Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Et lorsque vous égorgez, c'est-à-dire lorsque vous égorgez les bêtes qu'il est religieusement légitime d'égorger, qu'il est permis d'égorger, que ce soit dans le cadre de l'adoration ou que ce soit pour bénéficier de la viande de cette bête-là afin de la manger, ou que ce soit afin de mettre un terme à la nuisance causée par la bête objet du sacrifice, comme c'est le cas des bêtes féroces ou des chiens enragés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, alors faites-le de bonne manière. C'est-à-dire lorsque vous égorgez, faites-le de bonne manière. Tu ne dois donc pas la châtier, c'est-à-dire châtier la bête que tu égorges en la tirant vers l'endroit où elle va être égorgée de manière sauvage. ou en la tirant par les oreilles, ou en la sacrifiant avec un instrument défectueux, ou en la poussant violemment à terre, ou en retardant le fait de l'égorger, en se préoccupant d'autre chose alors qu'on est encore en train de la tenir. Lorsque tu es en train, sur le point de sacrifier la bête, de l'égorger, il faut que tu le fasses de manière rapide. Et il ne s'agit pas ici de la tenir et de se préoccuper avec autre chose alors que elle sait qu'elle est sur le point d'être égorgée et qu'elle est donc en train de souffrir. Car tout cela n'est pas permis car cela constitue une forme de châtiment et de sévice, ce qui est interdit dans la religion. Ce qui est obligatoire, c'est donc de l'égorger de la manière la plus aisée qu'il soit. Et lorsque tu l'as égorgé, ne t'empresse pas de la dépecer et de la découper jusqu'à ce qu'elle soit effectivement morte, patiente, jusqu'à ce qu'elle meure, et jusqu'à ce qu'elle refroidisse quelque peu. Car tant qu'elle bouge et tant qu'elle a encore son âme, il t'est interdit de réunir ces deux formes de châtiment, châtiment de la mort et celui de la découpe. Car il n'y a pas de doute que sa mise à mort, le fait qu'elle soit égorgée, la fait souffrir. Mais toi, tu dois limiter ses souffrances. Et tu ne dois pas ajouter à la souffrance actuelle la souffrance qui serait due au fait de commencer à la découper. Il t'incombe donc de la laisser jusqu'à ce qu'elle soit effectivement morte. Et également, il fait partie de la bienfaisance et de l'excellence en matière d'égorgement que celui qui va s'en charger connaisse la manière d'égorger. Et il ne s'agit pas ici qu'un ignorant vienne afin d'apprendre sur la bête comment elle doit être égorgée, car cela va forcément amener à des sévices. Et il est donc impératif que ce soit ceux qui maîtrisent l'égorgement qui se chargent de cela, ceux qui connaissent comment égorger. ثم قال صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته الشفرة سواء كانت للقتل كالسيف أو كانت للذبح كالسكين يجب أن تكون حادة حتى تقطع بسرعة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et que celui d'entre vous, c'est-à-dire qui met à mort ou égorge, aiguise sa lame. Ça vise aussi bien le sabre, qui peut être utilisé lors de la mise à mort dans le cadre de peine légale ou de l'application de la loi du talion, que le couteau qui va servir à égorger la bête sacrifiée. Il est obligatoire que la lame soit aiguisée afin qu'elle coupe de manière rapide et brève. قال صلى الله عليه وسلم وليريح ذبيحته يعني يذبحها على صفة مريحة لا يجرها جرا ولا يضربها قبل الذبح ولا يطل في إمساكها بل يبادر بذبحها حتى تستريح فهذا مما أوجبه الله تعالى وهذا من محاسن هذا الدين أنه دين الإحسان وليس هو دين الإساءة أو الانتقام بدون حق. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qu'il ménage la bête. Ce qui signifie qu'il doit l'égorger d'une manière par laquelle il va la ménager. Il ne va donc pas la tirer de manière violente, ni la frapper avant de l'égorger. Et il ne va pas être trop long dans le fait de la tenir juste avant de l'égorger, mais il va plutôt s'empresser de l'égorger afin qu'elle soit ménagée. Et cela fait partie de ce qu'Allah, l'exalté, a rendu obligatoire, et cela fait partie des nobles aspects de cette religion. Le fait que cette religion, c'est la religion de l'excellence et de la bienfaisance, et que ce n'est pas la religion du mal agir ou de la vengeance sans droit. وبهذا تنتهي قراءة هذا الحديث وهذا الشرح وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء ولعلنا نكتفي بهذا ونعود إلى السؤال. La question donc c'était, on va se contenter de ça, concernant les récits qui ont été rapportés de cette prostituée et de cet homme qui tous deux ont abreuvé ce chien assoiffé. On se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que par cet acte, ou du fait de cet acte, Allah tabaraka wa ta'ala leur a pardonné. La question, c'est quelle est la cause du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a pardonné leur péché et également a récompensé cet homme dont le récit a été relaté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Al-Tawhid, c'est-à-dire Naam. Ici, essaie d'être plus, de développer un peu plus. Oh là, on se suffit déjà de ce bon début, masha'Allah. Et quelqu'un d'entre vous, il essaie de continuer. Naam. Ils l'ont fait sincèrement pour Allah. Un atome de foi. Un atome de foi. Hey, naam. Et Yassine, ils ont fait preuve de miséricorde envers la bête. Ils ont fait preuve de miséricorde. Il s'appelle Athar, quand il y a un amal, Hein? Masha'Allah. Et Naam, ça c'est le, une parole rapportée d'Ibn al-Mubarak, qui a dit combien d'œuvres en apparence infimes ont été grandies par l'intention qui les anime. Et combien d'œuvres en apparence grandes ont été minimisées par la mauvaise intention qui les ont motivées. Naam, vos réponses, elles sont proches, masha'Allah. Naam. Al-Ihsan. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qui s'est manifesté dans quoi ici? Dans le fait que... Naam. Al-Tawhid. Al-Ikhlas. Al-Iman. Al-Ihsan. Al-Rahma. Tout ça, ça rentre dans la réponse. La cause qui a provoqué le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala et cette grande récompense que l'on retrouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le simple fait d'avoir abreuvé ce chien. Mais c'est ce qui a motivé cet acte-là. Et ça rejoint donc les réponses que les frères jazahumullahu khayran nous ont données. Et parmi ce qui prouve cette sincérité, le fait qu'il n'y avait rien qui, à la base, pouvait motiver ces deux personnes-là à faire ce qu'elles ont fait. Rends-toi compte ici de cet homme qui était en train de marcher et qui était lui-même assoiffé. Et il a été contraint de descendre dans un puits afin de s'abreuver. Ce qui signifie qu'il n'y avait personne pour l'abreuver. Il n'y avait personne avec lui. Donc il n'a pas fait ça pour montrer de générosité. Et l'ostentation était éloignée de cette personne. Et il y a des indices dans ces récits qui montrent qu'aussi bien cette prostituée que cet homme ont agi sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Cet homme-là, dis-toi qu'il a risqué sa vie. C'est peut-être pas dit explicitement dans le hadith, mais il est quand même descendu en bas d'un puits afin de remplir sa galoche, ou là son sabot. Non, ça c'était la prostituée. Lui, il a rempli son chausson, son khouf. Il est descendu, ensuite il a porté donc, il a tenu dans sa bouche et il est remonté. Il a risqué sa vie. Tu descends dans un puits, c'est à tes risques et périls. Tout ça pour abreuver un chien. Donc il y a un certain nombre d'indices dans ces récits qui nous montrent qu'ils ont agi sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et que cette sincérité était tellement forte que par permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne faut pas l'oublier, que par permission d'Allah tabaraka wa ta'ala et du fait de sa miséricorde et de son pardon et de la largesse de ses faveurs, ils ont été pardonnés et Allah tabaraka wa ta'ala les a grandement récompensés. Il y a cela donc, c'est barakallahu fikum, comme nous l'a dit le frère, c'est le tawhid qui était présent dans leur cœur. C'était la sincérité qui était présente dans leur cœur. C'est la foi présente dans leur cœur. C'est, comme nous l'a dit le frère, l'excellence dont ils ont fait preuve vis-à-vis d'Allah avant tout. Dans le fait qu'ils ont été sincères dans leurs œuvres. Puis, l'excellence dont ils ont fait preuve vis-à-vis de ce chien qui... ont été les causes de cette grande récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'intervention d'un d'entre vous m'a rappelé un point sur lequel je voulais revenir il y a de cela plusieurs semaines, concernant la traduction du terme « dharra » que l'on retrouve dans de nombreux textes du Coran et de la Sunna. Naam. Et qu'on avait eu l'occasion d'aborder dans un cours qui portait sur un rappel visant l'au-delà. Le terme dharra que l'on retrouve par exemple dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Et il est courant que ce terme soit traduit par atome. Et c'est d'ailleurs la traduction que j'avais utilisée. Naam. Et certains frères, jazahumallahu khayra, ont attiré mon attention vers le fait que ce n'est pas une traduction précise. Naam. Et que dharra, c'est plutôt donc une... dharra, français. Naam. Les poussières, ça peut désigner plusieurs choses. Notamment donc les particules de poussière infime, naam, on l'en retrouve. Et ça ne désigne pas l'atome. On va dire donc que l'atome, ça serait une traduction, pas approximative, mais plus qu'approximative. Et que ça désignerait donc plus ces particules de poussière que l'on peut trouver. Hakada? Adharra? Les petites fourmis, naam. Et naam, je me suis encore embrouillé, c'est pour ça que je demandais la naam. Je m'y retrouve. Barakallahu fik. Adharra, c'est la petite fourmi. Naam. Et la raison pour laquelle on ne traduit pas ça par atome, c'est que ce qui est connu des Arabes, c'est que la plus petite des choses, naam, c'est ces particules de poussière. La plus petite des choses qui est connue, qui était connue donc chez les Arabes, c'était ces petites particules de poussière. Araftum. Et donc l'atome n'était pas quelque chose qui était courant chez eux. C'est pour cela qu'on ne peut pas traduire dharra par atome. Étant donné que la plus petite des choses, c'était ces particules de poussière. Et dharra, naam, ça désigne la petite fourmi, comme on le retrouve dans certains hadiths qui parlent de la fourmi noire et ainsi de suite. Naam, j'étais sur le point de vous dire que ça peut désigner les deux choses. C'était encore une approximation de ma part. Wallahu al-musta'an. Donc vous retenez, barakallahu fikum, que al-dharra, c'est la petite fourmi. C'est ce qui est visé, donc ici. Hein? La plus petite des dimensions de fourmi. Yani la mini. La dernière. Et j'espère avoir... Wallahu a'lam, na'am, da'iman. Wallahu a'lam. Donc retenez bien ce point-là. Et le frère, jazahullahu khaira, il m'a rappelé ce point sur lequel je voulais revenir. Wa barakallahu fikum. Et ça me mène à un point important. Jazakumullahu khaira. C'est qu'ici, on est en train de faire, et je pense que j'avais déjà eu l'occasion de le dire, on est dans ce que l'on appelle avant tout une mudarasa. On est entre frères. Naam. Certes, il y en a un parmi nous qui prend les devants pour lire et pour traduire. Naam. Et ça reste un effort qui est fait. Et ça reste un effort humain qui est donc forcément perfectible et qui est mené à être corrigé, qui est mené à être amélioré, qui est mené à être modifié. Donc il ne faut pas hésiter, bien sûr de la meilleure des manières qui soit, surtout quand on vient de lire le hadith d'Al-Ihsan, de la meilleure des manières qui soit, bien sûr, naam, sans fawba, sans désordre, d'attirer l'attention vers ces choses-là. pour que cette traduction soit la plus la meilleure qui soit. Non, mais on s'entraide dans ça. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Et entraidez-vous dans la crainte pieuse ou dans la piété et la crainte pieuse. Et on s'entraide dans ça. Barakallahu fikum. Également un point important sur lequel j'avais insisté il y a quelque temps et que j'ai eu l'occasion de soulever avec nos frères de l'île d'Abo, c'est qu'il est important de mettre chaque personne à sa place et de savoir faire la distinction entre chaque catégorie de personnes. Tu as en face de toi un savant, tu vas te comporter avec le savant de la manière qui convient avec lui. Tu as en face de toi un étudiant, tu vas te comporter avec lui de la manière qui convient et qui est appropriée. Tu as en face de toi un traducteur, na'am, tu vas te comporter avec lui de la manière qui convient. Tu as en face de toi un orateur, tu vas te comporter avec lui de la manière qui convient. Et tu ne vas pas le mettre au-dessus de sa place et tu ne vas pas le mettre à une place qui est en dessous de la sienne. Et c'est là donc un principe religieux qui est connu. Il y a un hadith qui est rapporté à ce sujet dans l'introduction du recueil de l'imam Muslim par Aïcha radiallahu anha qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de mettre chaque personne à sa place. Ce hadith, son authenticité a été discutée par les ulama. Na'am, il n'en reste pas moins que le sens est 100% authentique. Et il faut savoir que ce n'est pas toute personne qui dispense un serment sur une chaire qui est forcément apte à répondre à des questions et à délivrer des fatwas. Ce n'est pas toute personne qui est apte à traduire qui est forcément apte à faire autre chose, à diriger par exemple la prière ou à enseigner le Coran. Et donc il convient de mettre chaque personne à sa place. Et cela est très important, aussi bien pour la personne visée que pour la personne qui est en face d'elle. Car toi, barakallahu fik, si tu mets une personne au-dessus de la place qu'elle occupe réellement, tu vas exposer ta religion à des choses mauvaises. Si tu fais preuve de négligence et que tu viens poser tes questions d'ordre religieux à quelqu'un qui n'est pas apte à te répondre, d'une part tu t'exposes à obtenir une réponse qui n'est pas correcte, ce qui va mettre en péril ta religion, et d'autre part tu exposes cette personne à quelque chose de grave, à savoir le fait de se prononcer alors qu'elle n'a pas à le faire, certes. Il est demandé à cette dernière de dire « Allahu a'lam ». Allah est plus savant lorsqu'elle ne sait pas. Et si elle n'a pas ce réflexe-là, alors il n'y a pas de doute qu'elle va s'exposer à des choses bien plus graves. Mais le danger guette aussi la personne qui sait dire « Allahu a'lam », « je ne sais pas », car il est possible que parfois elle pense savoir, qu'elle estime connaître la réponse. Et que peut-être que elle va avoir en tête une fatwa donnée par un savant concernant un sujet donné, et que toi tu vas la mettre dans une situation où elle a l'impression que il y a un besoin réel de se prononcer, que peut-être il y a une certaine urgence, et qu'à partir de là, elle va dire « j'ai entendu tel savant dire telle chose », ce qui est à la base. Et, dans une certaine limite, une certaine mesure, permis. À condition que la personne, elle ait un minimum de compréhension de la religion, et qu'elle ait bien retenu la fatwa en question, et qu'elle s'assure que cette fatwa s'applique à la situation donnée, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais elle est également exposée à l'erreur et au fait de se tromper. Donc, barakallahu fikum, soyez prudents concernant le sujet du fait de prendre la science de quelqu'un. Il faut être rigoureux à ce niveau-là. Être rigoureux également quant au fait de savoir à qui s'adresser lorsqu'on a des questions à poser d'ordre religieux. C'est là quelque chose d'important. Barakallahu fikum. Et il faut savoir que la question, c'est quelque chose d'important, certes, et que le fait de poser une question, ça doit être régi par des règles de bienséance qui sont connues dans la religion. La sincérité vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait que tu recherches réellement à bénéficier d'un savoir. Et il est impératif de corriger son intention lorsqu'on pose une question. Car combien de fois on peut constater et déplorer des agissements dans le domaine de la question qui sont mauvais. Notamment ce dont je viens de parler à l'instant, et également le fait que la personne en vient à poser une question par rapport à un sujet donné, et ensuite elle vient faire de la réponse un sujet de polémique ou un sujet qui va amener à la désunion. Et qui parfois va mener à une divergence blâmable, à de la division. Et ce, en n'étant pas rigoureux dans le fait de transmettre la question. Et ça, c'est d'autant plus valable lorsque ça concerne le fait de poser des questions sur des personnes. Déjà, barakallahu fikoum, le fait de poser une question sur une personne concernant un tel ou un tel, ça ne doit pas être adressé à n'importe qui. D'une part. Et puis, n'est pas demandé de poser des questions yani, sur tout ce qui bouge. Chaque fois que tu entends parler de quelqu'un, tu n'as aucun rapport avec lui, tu viens et tu poses des questions par rapport à cette personne-là. Et ensuite, la réponse, tu ne sais même pas quoi en faire. Parce que tu viens poser une question à quelqu'un, déjà, tu dois t'assurer que cette personne, elle est apte à te répondre. Une fois que tu t'es assuré que cette personne, elle est apte à te répondre, na'am, tu dois lui accorder un certain crédit, une certaine confiance. Na'am. Et à partir de là, tu vas prendre en considération sa réponse, qu'elle soit favorable ou défavorable. Si tu estimes que la personne ne t'a pas donné une réponse conforme à la réalité et que tu es véridique dans cela, ne va pas faire de cette réponse-là quelque chose qui va mener à des troubles. Et dis, accorde-lui le bénéfice du doute et une bonne opinion de lui et dis, peut-être que je me suis mal exprimé dans la question. Ou peut-être que il n'a pas bien compris ce que j'ai voulu dire, ou peut-être que les deux causes sont réunies, et à partir de là, je fais comme si je n'avais rien entendu. Plutôt qu'ensuite aller répandre cette chose-là et en faire un motif de division. Et ça, c'est un sujet qui est long, et je voulais juste attirer l'attention vers ça, et terminer en disant, comme je l'ai dit à nos frères de l'île d'Abo, jazahumullahu khayra wa hafidhahum, aidez vos frères qui se présentent à vous pour donner des cours, pour traduire, pour donner des conférences, na'am, ou autres, aidez-les à ne pas dépasser les limites, aidez-les en leur accordant la place qu'ils occupent. et ne les mettez pas au-dessus de ce qu'ils sont, et ne les mettez pas non plus en dessous, et restez dans un juste milieu. وَلَا تَغْلُوا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْرِ وَاقْتَصِدْ كِلَا طَرَفَيْ قَصْدِ الْأُمُورِ الذَّمِيمُ. Et n'exagère en rien dans tes affaires et sois pondéré, car les deux extrêmes dans l'histoire sont à jamais blâmés, et on va s'en tenir à cela. وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et je vous remercie, barakallahu fikum, pour votre attention et pour votre aide. تشرب انظر بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.